Underground. Eh bien, bonsoir auditeurs de Radio Méditerranée VAR. Ici, vous êtes en direct avec Fred Cominati. Excusez-moi, ça fait une petite semaine qu'on ne s'était pas vu. C'est le son de l'Underground. Il est donc 17h. Aujourd'hui, nous recevons Lulux, Lucien. J'espère que tu vas bien, Lucien. Ouais, ça va, tranquillou. Ouais. Voilà, Lucien nous fait le plaisir de nous visiter en direct pour un live sur Radio Méditerranée. Toujours le son de l'Underground, donc l'émission qui vous apporte une diversité sur cette radio qui est plutôt généraliste. Donc au programme, un mix techno, pense. Mix techno à 128-130 BPM. Voilà, une petite heure. Ouais, un petit peu, ouais, une heure et demie même. Ouais, j'ai de quoi. Hein. Voilà, et donc voilà, un petit 17h-18h30, après j'enchaînerai avec la Tech House, un petit peu moins vite, mais bon, voilà, ça me fait, comme d'habitude, une petite diversité. Moi, je vous mets les actualités de mon côté aussi. Quoi vous dire? Eh bien, bon, au niveau des events, il y a tout qui est en train de capoter, tout part à l'eau, donc il semblerait qu'il n'y aura pas de Sutronic cette année, même en septembre. Par contre, nous, de notre côté, on bouge, il y aura donc l'ouverture de la radio Sutronic, elle, qui va démarrer, je pense, dans la semaine qui vient. De toute façon, on annoncera, qui sera donc une radio sœur de Radio Méditerranée, qui sera complètement dédiée à la house et à la techno, plutôt underground, pas à la commerciale. Alors sinon, Lulu, parle-nous un peu de toi. Alors, moi, je m'appelle Lucien, je viens de la techno. Je fais partie d'un petit collectif qui s'appelle Apiculture, dans le sud de la France, plus près de Toulon. Et on fait des petites soirées, on fait des petits events entre nous. Et de temps en temps, on a fait venir des DJ internationaux, on a fait venir quelques-uns. Et voilà, on fait des soirées. Alors moi, je viens de l'art techno à la base. Je mixe art techno chrans. Et du coup, depuis quelques années, là, je me suis mis à ralentir le BPM et pour toucher un petit peu plus de public. Et je me mets aussi à la page, grâce à mes amis aussi, mon petit groupe d'amis qui partage avec moi cette passion pour la musique électronique. Alors ça varie un peu, j'aime un peu tout, j'aime de la petite techno à 126 BPM jusqu'à la grosse techno à 140-145 BPM et jusqu'à la hard techno la plus hardcore et la plus difficile à écouter pour ceux qui ne sont pas habitués. Donc ouais, ça sera pour une autre fois, peut-être par contre sur Sutronic, où là il y aura plutôt une ouverture sur tous les sons électroniques et tu pourras y trouver ta place avec ce son aussi, si ça te fait plaisir, nous fera plaisir de te recevoir, carrément. Parce qu'on va vraiment élargir, ici on fait surtout de la tech house, de la deep house, de la techno, mais on aura suivant les horaires. Du chill jusqu'à la hard techno, et puis il y aura vraiment une dissection de la journée, le matin, l'après-midi, le soir, la nuit, donc il y aura de l'espace pour tous les styles. Voilà, je crois que tu fais partie d'un crew aussi, oui. d'une équipe. Ouais, c'est ce que j'ai dit, je fais partie d'un petit collectif qui s'appelle Apiculture. Et on a fait des petites soirées entre collègues. À la base, c'est pour se faire plaisir. Et du coup, ça a commencé à grossir. Et là, c'est peut-être une petite page, mais sur notre groupe, on vient d'atteindre les 1000 abonnés. Donc, on a eu des vidéos de remerciements d'artistes internationaux, des artistes comme Greg Nocil et comme Tawa Girl de Marseille. Et on a aussi eu Pet Duo, le couple brésilien qui sont basés en Allemagne, qui nous ont fait une belle vidéo, c'est ceux qui sont le plus réputés. Et voilà, après, quoi dire de plus? Ouais, malheureusement, cette année, on n'a pas grand-chose à dire. Cette année, ouais, à cause de tout ça, le monde de l'événementiel, il est un peu au ralenti cet été, mais ça va repartir de plus belle d'ici septembre. On espère. Nous, en tout cas, c'est pour ça qu'on bosse sur une radio, parce que là, au moins, on peut continuer à développer des choses, on peut recevoir du monde et faire tourner un peu de musique, même si... Il n'y a pas vraiment de lieu public pour pouvoir le faire. En attendant que on fait le dos rond. Mais en tout cas, c'est bien, ça permet de nous connaître, tu vois, ça permet de faire des belles rencontres pour les prochains projets. Ce sera plus facile d'organiser des choses ensemble quand on s'est déjà vu, déjà rencontré et qu'on a déjà fait quelques activités ensemble, comme cet après-midi. Voilà, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter. En tout cas, merci pour l'invitation. Ouais, avec plaisir. Et moi, j'aime bien ce côté familial. De toute façon, la musique électronique, c'est une passion et j'aime bien partager avec les passionnés. On a un groupe aussi de passionnés du côté de la Londe les Morts, l'équipe du Mambo, le Mambo by Night. Ouais, j'ai vu sur Facebook, je les connais pas, mais j'ai vu. Ils sont accueillants et ils aiment tout style et c'est surtout le partage. Et ils mettent en avant des petits DJ locaux, comme moi. Hein. Et donc c'est ça que j'aime beaucoup, la musique électronique, c'est tout, avant tout le partage. Donc c'est ça. C'est ça qui fait avancer les choses. Au moins, on a une vie en attendant. Mais oui. Bah écoute, peut-être je vais te laisser t'installer, si on a fait le tour. En tout cas, voilà, c'est Lulux en direct donc au son de l'Underground ce jeudi. Voilà, que vous dire au niveau d'autres news. Il y a les estivales dans un autre domaine, le festival de Figanière qui a commencé donc hier mercredi 15. Ma fille Moa chantera là-bas à partir de 20h30 la semaine prochaine, le mercredi 22. Là, c'est autre chose, c'est un récital plutôt soul et jazz. Voilà, sinon il n'y a pas grand chose. Moi de mon côté, il y a quelques trucs privés, mais rien de public. Si jamais on doit sortir avec le bateau, le botcom, on vous en parlera peut-être dans le 06, quelque chose. Voilà, j'espère que ça se décantera. Nous, avec ce bateau, on arrive à faire un show de la mer, son et lumière. Vous avez dû voir les images pour la fête de la musique sur Fréjus et peut-être qu'on pourrait donc organiser quelque chose qui éviterait des gros rassemblements sur Terre ou voilà, en tout cas bien dirigé comme les organismes et l'État le voudraient. Voilà, en attendant, je vous envoie le jingle et on va démarrer donc avec Lulux pour de la techno, de la vraie techno quoi. Allez, à tout de suite. Bienvenue dans le monde de l'Underground by Fred Cominatia. De la soul, du funk, du hip-hop, du new disco, de l'indie dance et surtout de la house, deep house, tech house, jusqu'à la progressive. Des présentations d'artistes et labels internationaux, mais aussi d'associations et collectifs régionaux. Tous les jeudis 17h-20h, des nouveautés et des mix live en son et images par Cominatia, mais aussi par des invités de choix du monde de l'Underground. We'll be right back. clicking sounds, sounds that reveal the presence of radioactive rays. The instrument, a Geiger counter, is converting radioactivity into sounds we can hear. This radioactivity is coming from a small piece of radioactive material inside this plastic cylinder. The small amount of radioactivity coming from the cylinder is harmless. The luminous dial on this watch also gives off radioactive rays, which we hear on the Geiger counter. Even when there's no radioactive material near, the Geiger counter continues to click. This is caused by cosmic radiation that continually bombards us from outer space. But we don't get enough cosmic radiation to harm us. Today, atomic scientists produce radioactivity in large amounts. Radioactivity is radioactive material that's many peacetime uses. But we know, too, that they can be used harmfully. We'll be right back.

de la soul, du funk, du hip-hop, du new disco, de l'indie dance et surtout de la house, deep house, tech house, jusqu'à la progressive. Des présentations d'artistes et labels internationaux, mais aussi d'associations et collectifs régionaux. Tous les jeudis 17h-20h, des nouveautés et des mix live en son et images par Cominatia, mais aussi par des invités de choix du monde de l'underground. Voilà, fin de cette première partie, Lulux, donc 1h30 en live de la techno, de la vraie techno. Il peut jouer plus fort, mais là il nous a fait un petit set plus tendre pour cet horaire-là pour Radio Méditerranée. On le retrouvera de façon sûrement sur Sudtronic, là il pourra jouer ce qu'il veut, carte blanche. Voilà, quoi vous dire, eh ben, c'était un joli set, ça fait plaisir, ça va bouger. Moi je vais enchaîner derrière avec de la tech house, quelque chose de plus souple pour finir. Mais bon, on verra, les semaines prochaines, il y aura aussi de la techno. Vous rappelez donc, je vous annoncerai donc le départ de la radio Sudtronic qui va être complètement dédiée à la musique électronique, que ce soit house, deep house, techno, hard techno, chill out, enfin tout y passera. La programmation sera donc révélée dans quelques semaines, elle suivra sûrement les semaines et les week-ends avec des mix aussi, des mix en live et des podcasts. Et puis donc mercredi prochain, mercredi 22, il y aura Moa qui chantera aux Estivales de Figanière à partir de 20h30 sur la place du village, ce sera en direct aussi de la radio Méditerranée. Voilà, bah écoutez, peut-être Lulu va nous faire un petit coucou, il va nous dire au revoir. Ouais, bah, j'espère que ça vous a plu, vous avez passé une bonne écoute. Et de toute façon, on va essayer avec Fred de s'organiser une petite mensuelle, un de ces quatre, on va bien parler après. Et on va essayer de faire venir du monde et partager nos connaissances. Merci en tout cas, merci à tous. Voilà, donc voilà, rendez-vous sur Sudtronic, une radio qui sera dédiée surtout aux artistes du sud de la France. Et donc on aura le cas aussi de parler un petit peu plus, d'avoir plus de temps, que c'est juste ces pauvres, enfin pauvres, c'est déjà énorme, c'est 3 heures de carte blanche entre 17h et 20h, grâce à Seb quand même, qui nous offre quand même du prime time un jeudi. C'est pas partout qu'on peut jouer ce qu'on veut, surtout dans la musique électronique, même si un jour il y aura plus que ça, je pense, mais bon. Voilà, on n'en est pas encore là. Donc, un petit jingle et puis on va repartir sur la Tech House. Bienvenue dans le monde de l'underground by Fred Cominatia. De la soul, du funk, du hip-hop, du new disco, de l'indie dance et surtout de la house, deep house, tech house, jusqu'à la progressive. Des présentations d'artistes et labels internationaux, mais aussi d'associations et collectifs régionaux. Tous les jeudis 17h-20h, des nouveautés et des mix live en son et images par Cominatia, mais aussi par des invités de choix du monde de l'underground.

1977, when a new kind of club opened. This new Chicago club called Warehouse. Frankie Knuckles, who wore under Warehouse, mixed old disco classics and new Eurobeat pop. It was also where Acid House got its start, also called the Godfather of House. Blacks, Hispanics, or whites. House music did not have its origins. on the world and face it. Ooh, I'm too close to the sun. I'm tired of waiting for you. I hate, but I adore you. Close to the sun. I am and let it take you up and lift you. That's what this is about. Destroy rhythm. Bienvenue dans le monde de l'underground by Fred Cominatia. De la soul, du funk, du hip-hop, du new disco, de l'indie dance et surtout de la house, deep house, tech house, jusqu'à la progressive. Des présentations d'artistes et labels internationaux, mais aussi d'associations et collectifs régionaux. Tous les jeudis 17h-20h, des nouveautés et des mix live en son et images par Cominatia, mais aussi par des invités de choix du monde de l'underground. Il est donc 20h, vous êtes bien sur Radio Méditerranée, amis auditeurs. J'espère que vous avez apprécié cette session. Moi, je l'ai vraiment appréciée en première partie. Donc, Lulux, Lucien, qui nous a fait un set techno très, très bien amené, avec des effets un petit peu de ci, de là, vraiment super. Un mec super, voilà, une belle rencontre, je suis vraiment content. La famille s'agrandit, voilà, ici aussi à Radio Méditerranée, mais aussi à Sudtronic, qui est la radio sœur qui va naître. Radio sœur de Radio Méditerranée, une radio qui sera complètement dédiée à la musique électronique underground, complètement dans le ton du son de l'underground. Vous garderez quand même votre rendez-vous de son de l'underground sur Radio Méditerranée, parce que c'est une radio qui est très ouverte. Mais on va avoir une radio sœur donc spécialisée, la radio Sudtronic. Éventuellement, voilà, je pense que le premier festival Sudtronic cette année, c'est bien parti pour ne pas partir en fait, vu que le préfet a tout annulé au mois de septembre aussi. Voilà, en attendant, on a la radio. Voilà, le jour où il viendra nous chercher ici, bon, ça va mal se passer, c'est sûr. Et puis voilà, et puis sinon, nous on a passé une bonne session. C'était donc derrière mon mix d'une heure et demie Tech House par votre hôte, Fred Cominatia. J'espère que vous avez apprécié. On était aussi en direct sur vidéo, Facebook et autres. Les rendez-vous, mercredi prochain aux Estivales dans le village de Figanière sur la place principale. Il y aura ma fille, moi, qui va chanter un récital d'une heure, un petit peu plus sûrement, c'est des rappels. Comme Victor Hugo, il y a eu des rappels. D'ailleurs, je remercie la brasserie du Victor Hugo mardi dernier qui nous a reçu vraiment super, la paella de Victor Paella Riviera était vraiment un succès. La musique aussi, on a passé vraiment une très belle soirée. Et puis ça fait plaisir, voilà, de temps en temps quand même, d'avoir des réussites publiques. Et puis maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine. Je vais vous remettre sur la playlist de Radio Méditerranée. Donc dès la semaine prochaine, un autre rendez-vous du son de l'underground et plus de news. Je pense que la programmation de Sudtronic sera prête et on pourra commencer ce nouveau bébé. Voilà, j'attends ça avec impatience. Je remercie encore Seb pour la carte blanche ici et puis pour son enthousiasme et son aide pour développer cette musique dans le sud, la musique qui un jour dans le futur sera partout. Je vous souhaite en tout cas une belle soirée. À bientôt, bonne semaine.